la plus belle à son copain, qu'il n'a même pas dérobé, fléchit sous les coups de poing, pour un petit frère tabassé par la foule camarade. Il essaie de consoler, illusion de rigolade. Il se passe de main en main. Il se déplace le chagrin. Silencieux et solitaire, elle tourne en rond paniquée, malheureuse comme une mère. Pour une épouse abîmée par la violence de l'enfance, il ne fait que vaciller entre alcool et démence. Et il se passe. Le chagrin. Pour une saison fanée, plus douce et la dernière, il va patiemment coucher son fragile corps de grand-père. Et il se passe de main en main. Il se déplace. Il se passe. Thank you.